beaucoup. Bonsoir, ça va? Ok, c'est l'heure des vacances. Qui veut aller avec nous chez Hawaï? Allez, on y va! Simple motion.